Rien n'est meilleur, je pense bien, que l'amour. L'eau bénie, bien cachée dedans. Ce n'est pas si délicat. La gorgée qu'on avale. C'est là, se voyait bien entre elle et moi. Ça, c'était le premier, la première strophe de l'épreuve de Swinburne, ou de la lépreuse. Et je pense que c'est un incipit pour parler de la cabale, dans la mesure où la judaïté en Espagne était vécue comme une honte, une souillure biblique comme celle de la lèpre. Du coup, l'imagerie à l'origine juive s'est retournée contre elle-même. C'était un antisémitisme dans une culture sémite, aussi bien du côté juif qu'arabe. Et je vais au plus facile. Une lecture qui m'a beaucoup marqué dans l'approche du féminin, qui touche à la cabale par la judaïté, mais qui concerne toutes les femmes, en fait. C'est Bernard-Henri Lévy qui, après avoir dit « Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi quelqu'un comme Dieu, dans un roman comme Gilles, n'arrive pas à sortir de l'alternative entre Myriam, d'un côté l'abominable juive des premières pages du récit, et puis Dora, de l'autre la mirobolante femme dorique ?» Arienne essentielle, et n'est-il pas troublant même, jusque chez les gentils surréalistes, par exemple, ces passages constants, etc., etc. Et après avoir dit ça, il nous ramène un peu au fond des sons de l'amour, en disant une chose scandaleuse. Non, non. Je n'aime pas cette histoire des types de femmes. Ah non, attendez, je me suis trompé de paragraphe. L'argent, oui, l'argent reste un atout important pour séduire n'importe qui. À la réserve près, en ce qui concerne les femmes, que comme disait, je crois, Pavese, avant de faire un mariage d'argent, elles prennent généralement la précaution de tomber d'abord amoureuse de l'homme qu'elle s'apprête à épouser. Toute plaisanterie mise à part, ça veut dire que les femmes sont là aussi infiniment plus subtiles et peut-être plus morales que ne le veut l'entendement machiste vulgaire. Je considérais cela les principes essentiels d'une approche féministe réelle et cabalistique. Qu'on assimile cela au calcul cabalistique, à la machination, mais les calculs, disons les calculs des chiffres et les calculs des lettres. Et là, peut-être, Aboulafia serait de rigueur pour déceler où en est l'amour, la divinité. Pour l'épître de cette voix dans son édition française des éditions de l'Éclat, dans la traduction, je vous dis tout de suite. traduit et annoté par Jean-Christophe Attias, précédé par Shmuel Trigano et suivi de Patricia Varassi. Bon, en tout cas, les livres tels que je l'ouvre à la page 65, à ma droite, 64 à ma gauche, est beau. Les pages sont belles. Pourquoi? Il y en a des italiques, il y en a des guillemets, il y en a des notes à pied en bas des pages, quelque chose que j'ai appris à aimer à l'université. Et il y en a des parenthèses avec des majuscules décrivant des lettres, puis des parenthèses avec des lettres d'un autre alphabet, l'alphabet hébreu. Et des chiffres, plein de chiffres qui ramènent à d'autres notes. Et quand on regarde les majuscules, les italiques, on tombe sur des invocations, Sephirot, Havayot, je ne sais pas, Havayot, là il est une note en bas des pages, 53, Havaya, être, existence, puis Adonai, quelque part, quelque chose qu'on a entendu prononcer, on ne sait pas où, et qui est écrit aussi à côté en parenthèse en hébreu. Des noms, des lettres, ou peut-être, note 59, les membres circoncis, et ces 59 vient d'un nom circoncision. Tandis que la circoncision enfante des fils. Nouvelle note, 60 des fils par la chair. Mystérieux. Mystérieux. J'ai un autre en anglais, Sholem, on the mystical shape of the Godhead. Et j'ouvre et je tombe sur l'arbre séphirotique. Un diagramme avec des cercles. Pourquoi on ne peut pas s'empêcher de penser à la monnaie? Étalé comme dans un jeu des dames. Voyez-moi troublé, perdu dans ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça... Ça n'a rien à voir à l'amour. Pense aux roses, mais pourquoi la rhodophilie? Je pense que ça mériterait un chapitre séparé. Je cherche plutôt à traduire à nouveau. Je commence déjà à rimer. Je pense à Jean de la Croix. Qu'il soit marin, c'est-à-dire qu'il soit à lignage juif ou arabe, on ne sait pas. On en parle souvent du soufisme chez Jean de la Croix, mais pourquoi pas les deux ensemble? Je vais au hasard. Il fait en telle œuvre l'amour depuis que je l'ai connu. Que s'il y a bien ou mal dans ma cour, par ça, tout est. était réalisé de par son goût. Et à l'âme, il transforme en soi. Et ainsi, dans sa graisse goûteuse, laquelle je sens en moi, il oppresse sans laisser chose tout ce qu'il est en train de brûler. Pour toute la beauté, jamais je serai perdu, si ce n'est pas par un je ne sais quoi. Qui m'a ici retenu. Savoir si bien que ça s'arrête, ce qui ne peut arriver, c'est fatiguer l'appétit et dégoûter le palais. Il reste ainsi pour toute sucrerie que je ne serai pas perdu, si ne soit pas que par un je ne sais quoi qui me fait rester ici. Et puis quand je regarde la très bonne anthologie cabalistique de Charles Mopsik, édité par Verdier dans la collection Les 10 paroles, je suis toujours très touché par le fait de son pouvoir de séduction en même temps que l'absence de toute verbalisation de l'amour ou de tout, surtout du fait de mettre un discours sur l'amour. Et nonobstant, ce qu'on en sort, c'est un vrai répertoire pour la séduction. Ce qui m'avait toujours frappé de façon expérimentale. Je rappelle à ce titre que le manque d'argent ne serait qu'un obstacle imaginaire à la séduction de la femme fine, de la femme intelligente, dans la mesure où elle va savoir reconnaître l'effet de la présomption comme une richesse en elle-même. Et je vous explique. L'appartenance au peuple des justes et aux yeux du profane une grande présomption, et donc une lèpre. On revient à Swinburne, on boucle la boucle, c'est une piste sonore, un happening. C'est la lèpre, c'est la peste, c'est la psychanalyse, c'est plein de choses comme ça.